Et voilà, 11h approche. C'était le Carnet des Plaines, édition du week-end. Merci pour ces 3h passées ensemble. On se retrouve demain matin, dès 8h, pour le Carnet du Dimanche jusqu'à 10h. Passez un excellent week-end. Bonjour, c'est Alex. Vous êtes sur Antenne 87. Je vous propose de passer 45 minutes en ma compagnie et en celle de mon invité. Une personnalité locale, connue, très connue ou un peu moins connue, qui va nous partager ses souvenirs, nous dévoiler ses émotions, au gré de ses confidences musicales. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ces nouvelles confidences musicales d'Antenne 87. Avec mon invité ce matin, nous allons aborder un sujet grave, celui de la maladie. Mais son parcours et son engagement vont apporter une lumière inattendue. Confrontée elle-même au cancer, elle a perçu à quel point, entre le malade, l'équipe médicale et les proches, il y avait un espace à occuper pour accompagner, pour soulager. Avec mon invité, on va comprendre ce que le dépassement de soi peut vouloir dire, à la fois surmonter sa propre épreuve et décider de se dédier au bien-être de ceux qui continuent de souffrir. danser, regarde-moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit, alors la vie, regarde-moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit, danse. Voilà, c'est la vie. Véronique Batteux, bonjour. Bonjour Alex. Merci de vous prêter au jeu de ces confidences musicales avec nous ce matin sur Antenne 87. Alors, on a vraiment planté le décor. J'ai fait mon introduction sans détour. Hein, vous m'avez dit, on peut y aller cash, donc sans détour. Évidemment, on va parler du cancer, on va parler de la maladie. Mais ce choix de morceau qui s'appelle « C'est la vie, je n'ai plus peur », ça veut tout dire. C'est ce qui vous meut tous les jours. Oui, parce que bah, la vie, c'est ça en fait. C'est des hauts, des bas, des blessures, c'est se relever. Et en fait, bah, c'est ça la vie et c'est pas triste. Non, ça ne va pas être triste ce matin. Ouais. Ça ne va pas être triste pour deux raisons. D'une part, parce que vous êtes porteuse d'un message d'espoir, d'empathie. Tout à l'heure, j'ai parlé du don de soi, du dépassement de soi. J'aurais pu parler de la résilience aussi. Donc, la résilience, c'est surmonter les traumatismes, les épreuves, les douleurs. Donc, c'est évidemment, ça va être tout ça ce matin, mais d'une façon extrêmement positive. Et puis, ce qui va être extrêmement positif également, c'est votre playlist. Oui. Elle est pleine d'énergie, elle est pleine de cœur, elle est pleine d'amour. Voilà, on l'a dit ensemble, ça part très très bien. Alors maintenant, on va quand même parler un peu sérieusement, il faut que les auditeurs vous cernent bien. Donc vous vous appelez Véronique Batteux. Oui. Comment vous vous présentez professionnellement? Quelle est votre fonction, votre mission? Alors professionnellement, je suis formatrice pour adultes, mais avec une expérience patient et patiente partenaire en cancérologie, en milieu rural, mais pas que. D'accord. Alors, patiente partenaire, donc ça c'est l'expression consacrée, c'est pas vous qui l'avez inventée. Non. C'est pas, voilà, un bon matin, vous avez dit tiens, je vais faire ça, on va s'appeler comme ça. C'est une, on va le voir tout au long de l'émission, mais c'est une démarche très professionnelle, très cadrée, pour laquelle il y a des formations particulières. Oui, tout à fait. Mais à l'origine, il y a la maladie. Oui. Est-ce qu'on peut être patiente partenaire sans avoir eu la maladie avant? Non, parce que c'est vraiment un parcours, c'est un vécu, c'est transformer l'expérience de la maladie en quelque chose qui peut aider les autres. Donc vraiment, c'est ce vécu qui va faire qu'on peut être auprès des autres et qu'on peut en faire quelque chose. Là clairement, on ne peut pas parler de ce que l'on n'a pas vécu dans sa chair, c'est ça? Exactement. C'est ça. Pour plein d'autres situations, on pourrait. Pour plein d'autres, mais là, pour la maladie, c'est quand même. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que, comme je disais dans l'intro, bah, y a les équipes médicales hein, qui entourent le patient, etc. Mais là, vous offrez autre chose. C'est complémentaire. C'est totalement complémentaire. Oui, tout à fait. Est-ce que oui, on peut dire vous occupez quelque chose qui était un peu vide, peut-être, dans certaines situations? Oui, c'était quelque chose qui n'était pas encore vraiment non plus appréhendé dans le monde médical. Non pas que par manque de volonté, mais parce que c'est vrai que le patient qui devient expert de sa maladie, ça peut faire peur. Mm-hmm. On peut se dire, ben, il va nous donner des leçons, il va nous dire comment on doit faire. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? De quoi je me mêle? C'est nous qui avons le savoir. Et effectivement, ce sont les soignants qui détiennent le savoir. Les patients, eux, ont un savoir expérientiel. Tout à fait. Et puis, évidemment, les médecins, il y a ceux qui parlent avec plus ou moins de d'empathie, on va dire, oui. Sans jugement, mais et surtout, ils n'ont pas le temps que vous, vous pouvez donner aux malades et à leur famille. Exactement. Alors, je dis tout de suite, on y reviendra pas après, hein, parce qu'il faut, faut qu'on comprenne bien votre démarche. Donc, il y a malade, famille, oui. Et également le milieu professionnel, c'est important. Oui. Ça, c'est totalement inédit. C'est inédit et c'est vraiment important de tenir compte de tout l'environnement d'une personne parce qu'avant de devenir un malade, un patient, c'est quelqu'un qui a une existence sociale, familiale, professionnelle et on ne peut pas occulter tout ce que, toute l'individualité de cette personne. Et tout son environnement. Exactement. De vie et toutes les interactions qu'il a. Oui. Qui ne disparaissent pas. Alors lui, il a les interactions et les gens autour aussi doivent composer avec la maladie et ça n'est pas toujours facile. On va vraiment développer tout ça parce que je suis certaine que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs. Le but aussi ce matin, c'est évidemment de faire connaître votre association, oui. De faire connaître ce service. Hein, donc on va développer voilà, comment on vous trouve, comment on peut avoir accès à vos services. Évidemment, moi, je souhaite comprendre quel est votre parcours un peu personnel, bien sûr, mais on ne va pas rentrer dans toute votre histoire personnelle, mais parcours professionnel, hein, pour bien border les choses. D'accord. Avant tout cela, juste une question très statistique. Vous êtes beaucoup en France de patients partenaires ? Alors, je n'ai pas de chiffre exact. Il faut savoir que, en tout cas, ceux qui participent à la formation du diplôme universitaire de la Sorbonne, en général, ce sont des sessions d'un peu plus de 20 stagiaires. C'est très peu. Par an. Donc, c'est le seul endroit où on se forme en France. Alors, il y a la Sorbonne qui est une école donc, à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, et il y a d'autres antennes maintenant qui se développent. Par exemple, Gustave Roussy a créé un diplôme universitaire. Donc voilà, maintenant ça commence à se vulgariser, entre guillemets. Mm-hmm. Mais enfin, on n'est quand même pas sur des gros non, effectifs. Hein. Non. Et alors, surtout, vous m'avez confié, donc vous êtes patiente partenaire en milieu rural. Oui. Hein, vous y tenez beaucoup. Oui. Votre association s'appelle VBC, une patiente partenaire à vos côtés. Voilà. Mmh. Et vous m'avez vraiment confié que votre expérience était assez... Enfin, votre positionnement plutôt est assez inédit en oui. ruralité. On en trouve davantage en ville. Il y a des patients partenaires qui peuvent officier en association, au cœur d'association, dans des centres de soins. Dans des centres hospitaliers. Mmh. Mais c'est vrai qu'avoir cette démarche en milieu rural d'accompagnement spécifique et qui n'occasionne pas de frais pour les patients et les aidants, c'est pas du tout commun. Oui, on va y revenir. En effet, vous avez bien entendu, ça n'occasionne pas de frais. On va développer tout ça, mais tout de suite une nouvelle petite proposition musicale. Oui. Vous avez choisi Ray Charles. Oui. Ouais, on peut savoir pourquoi oui. ou c'est un secret? Non, allez, on le dit. J'aime beaucoup cette chanson parce que c'est le prénom de ma petite sœur de cœur qui l'a accompagnée à l'église lors de son mariage. Cette chanson a beaucoup de signification et je la trouve magnifique. Mmh. Voilà. C'est dédicace à Georgia. À Georgia. Voilà. The whole day through. Georgia. Oh, Georgia. To me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams, I see the road leads back. Pour ce très très beau morceau, Véronique, c'est un vrai plaisir toujours renouvelé d'écouter Ray Charles. Il est souvent choisi dans les playlists. Ah, d'accord. Hein, pour son âme, pour son cœur, pour cette voix, pour ce swing tendre. Alors, Véronique, moi j'ai une question vraiment assez directe. Comment et à quel moment, plutôt comment, on décide de une fois sorti de la maladie, d'en faire quelque chose pour les autres, parce qu'on pourrait se contenter de dire voilà, je vis ma vie, je retrouve goût à la vie et voilà, mais qu'est-ce qui fait que l'on se dit maintenant je veux aider les autres? Ça a été une évidence pour moi parce que évidemment quand ça nous arrive, on ne perçoit pas les probables dommages collatéraux que ça peut avoir. Il y a le traitement, il y a toute la partie soins, mais il y a tout l'impact que ça va avoir justement sur notre vie sociale, notre vie professionnelle, notre vie familiale. Et quand on vit en milieu rural, il y a ce champ supplémentaire qui va rentrer dans la difficulté. C'est ce que j'ai éprouvé parce qu'on n'a pas d'association forcément à côté de chez soi, d'activités comme il peut y avoir en ville. Et le retour en milieu professionnel est beaucoup plus ardu parce qu'on n'a pas été préparé à ça. On n'a pas été préparé au fait que une fois à la fin des traitements, on reprend comme s'il ne s'était rien passé. Il y a des séquelles post-traitement, il y a une fatigabilité et ça, on n'a pas forcément l'info. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse accompagner les patients, que ça soit au moment de l'annonce, pendant les traitements, pour pouvoir justement faire le lien, pouvoir écouter, pouvoir orienter, expliquer, pouvoir préparer. Accompagner, préparer. Oui, préparer les gens. Préparer les gens. Parce que quand on est confronté à ça, on a toute cette sidération, on est emmené un peu dans une espèce de lessiveuse, on n'a pas le temps de réfléchir. Voilà, il faut se soigner. C'est ça l'objectif premier. Et c'est vrai que c'est la première chose à faire. Exactement. Mais il y a tout le reste. Il y a tout le reste et il ne faut pas le négliger. Non. Donc on reviendra bien sur le côté, effectivement, qui doit surprendre les auditeurs, c'est-à-dire le travail qui est fait aussi dans le monde du travail, ouais. Justement, qui est assez inédit. Mais maintenant, j'aimerais aussi savoir, donc à partir du moment où vous vous êtes dit comme une évidence, j'imagine, je veux faire ça, vous vous êtes rendu compte qu'il ne suffisait pas de bonne volonté et de tout le cœur et tout l'amour du monde. Il faut aussi être formé, cadré, préparé pour avoir les bons outils, les bons mots. Exactement. Et là, comment on fait C'était important pour moi d'être légitime dans ce que je proposais et de ne pas faire plus de mal que de bien. C'est pas parce que on a vécu quelque chose ou vécu un traumatisme qu'on est en capacité d'aider quelqu'un d'autre. Ça peut être au contraire dangereux. Donc, j'ai découvert qu'il y avait ce diplôme universitaire à la Sorbonne, diplômant de patient expert. Et il fallait que j'aie ces outils. Et en même temps, d'avoir aussi l'ingénierie de formation, de devenir formatrice, pour pouvoir animer des ateliers, pour pouvoir intervenir en entreprise. Ça ne s'improvise pas. Oui. Et vous dites effectivement une phrase très importante, il ne faut pas faire plus de mal que de bien. Oui. Parce que quelquefois, on est très bien intentionné, mais voilà, on est oui, c'est très délicat où on allume quelque chose de négatif alors qu'on ne s'en rendait pas compte nous-mêmes. Exactement. Pour avoir une idée, vous faisiez quoi avant ? Alors avant, j'étais coordinatrice dans une entreprise de transport routier à Cézanne et j'ai fait ça toute ma vie, j'adorais ça. Mais du coup, vous étiez quand même déjà dans le rapport à l'autre ? Oui, énormément dans le rapport à l'autre et aussi dans le fait de devoir toujours trouver des solutions à des situations compliquées, résoudre des problèmes et ça, ça m'anime beaucoup, c'est de toujours débloquer une situation et ça, ça m'aide énormément dans ce que je fais maintenant. Quand on a parlé toutes les deux avant l'émission, il y a quelque chose qui m'est venu en tête, c'est la marche en avant. Oui. On a l'impression que c'est un peu ça, hein, oui. Toute votre démarche. Et allez, on regarde devant et on avance au rythme qui est à le son bon, rythme. Mais, oui. Mais on avance. La formation à la Sorbonne, ça a duré combien de temps ? Alors, c'est de octobre à juin, 2 jours par mois. Et donc, on va avoir plusieurs champs de formation à tous les niveaux, ne serait-ce que déjà de comprendre ce que c'est qu'une cellule cancéreuse, comment peut se développer une cellule. Et ensuite, toutes ces techniques du care, d'écouter, de comprendre l'autre, de ne pas penser ni répondre à sa place, ni d'anticiper son besoin. Mmh. Et d'être vraiment, se mettre en retrait et d'accueillir ce que la personne en face a envie de dire ou ce qu'elle ressent. C'est pas mon expérience qui prime. Oui, on ne plaque pas son expérience. Non. Il faut vraiment écouter ce que les gens vous disent. Exactement. Et composer avec ça. Oui. Et est-ce que dans cette formation, il y a vraiment quelque chose qui vous a surprise ? Un truc que vous n'aviez pas envisagé de façon oui. Expérimentale ou intuitive ? C'est cette... avec toutes mes collègues de ce groupe, c'est cette force, les ressources qu'on est capable de déployer quand on a un projet et quand on ressort d'une expérience douloureuse, c'est vraiment l'idée que chacun de nous n'a absolument pas conscience de la force qu'il peut avoir et de toutes les ressources personnelles qu'on peut développer. C'est comme si on transformait une sorte de carburant interne oui. qu'on ne soupçonnait pas oui. et qui va pouvoir être donné à oui. l'autre. Oui. Ouais. Ça a été la révélation. Oui. J'imagine que vous êtes un peu resté en lien avec les gens qui ont fait les mêmes formations. Oui. Vous avez une sorte de réseau. Vous vous entraidez aussi. Exactement. Dans les cas un petit peu difficiles ou quand quelquefois vous ne savez pas comment prendre. Oui, exactement. On est toujours en contact et l'idée, c'est encore une fois, on ne détient pas un savoir. Donc, on peut faire face à des situations pour lesquelles on n'a pas de solution. Et c'est vraiment cette force de réseau que je connaissais aussi dans le transport routier, de se dire, bon voilà, quelqu'un d'autre peut peut-être m'amener une solution ou je peux, moi, diriger cette personne. Il faut laisser cette part d'ego et du côté, je peux tout faire, je peux, moi je sais et je vais l'aider. Non, peut-être que quelqu'un d'autre saura le faire mieux que moi. Et... qu'est-ce qu'il faut avoir en soi pour que ça fonctionne bien ? Comme je dis depuis le début, hein, il ne suffit pas d'être volontaire, d'être passé par la maladie. Est-ce qu'il faut avoir en soi quelque chose pour que ça marche bien ? Beaucoup d'humilité, je pense. D'humilité et de générosité, de le faire pour l'autre. Oui, avant ça, on le ressent hein, depuis le début de l'émission. C'est-à-dire vraiment, on ne le fait pas pour soi. Non. On ne va pas voir l'autre pour parler de soi et non. de sa maladie. On va vraiment voir l'autre pour ce qu'il est et ce qu'il traverse encore. On va enchaîner avec Tina Turner, oui. qui est apparemment un très bon souvenir de concert. C'est ça ? Magnifique. Allez, incroyable. Racontez-nous. Parce qu'on est quand même aussi là pour parler de musique. Oui. C'est le premier concert auquel j'ai assisté quand j'étais adolescente et avec ma belle-sœur qui compte énormément pour moi, et ça a été un moment incroyable d'énergie, de puissance. J'ai vu cette femme sur scène. Cette lionne. Hein, on peut le dire. Incroyablement généreuse dans ce qu'elle voulait donner, communiquer. Une grande performeuse, comme on dit. Exactement. Oui. Et est-ce qu'elle a vraiment de si belles jambes ? Parce qu'elle est connue pour extraordinaire. La beauté de ses jambes. Extraordinaire. Qui d'ailleurs devait être assurée, hein, je pense. Hein. Allez, trêve de plaisanterie. En tout cas, on a ce titre que vous avez choisi. Oui. I Can't Stand the Rain. Stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember? When we were together, everything was so grand. Now that we're parted, there's just the one sound that I just can't stand. I can't stand the rain. Guess Tina, elle ne supporte pas la pluie derrière sa fenêtre. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'empêcher de vivre, quoi. Hein. Exactement. Elle a décidé qu'elle y allait et puis il ne va pas falloir se mettre sur sa route. Alors, Véronique Batteux est avec nous. C'est l'association VBC, une VBC patiente partenaire de Montmirail. Elle est patiente partenaire en milieu rural. Donc, on a bien compris son parcours personnel. On a compris qu'il fallait se former pour accompagner les patients, les familles et leur environnement de travail, parce que c'est un vrai métier, ça n'est pas juste une intention, bien sûr, il faut avoir l'intention, il faut avoir le cœur, oui. Il faut avoir la générosité, il faut avoir l'énergie, la force aussi. Hein, oui. Parce que, j'allais poser une question plutôt après, mais on peut se le dire maintenant. Comment on fait, Véronique, pour ne pas ramener aussi cette souffrance à la porte de votre maison le soir? C'est pas toujours évident. J'imagine. Parce que ce sont des parcours attachants. Évidemment, on a un lien. Je dis souvent qu'on se reconnaît avant de se connaître avec les personnes que je peux accompagner. Et parfois, évidemment, il y a de la tristesse, il y a le sentiment de ne pas pouvoir aller plus loin que ce qu'on voudrait dans l'accompagnement. Et malgré tout, j'ai trouvé un ressort, c'est-à-dire que je me suis dit, bon... Il faut que je puisse avoir quelque chose qui m'aide à évacuer tout ça. Donc, je me suis mise au sport, à la course à pied. Et voilà. Et je cours pour toutes celles ou ceux qui ne peuvent pas courir. Je me dis que j'ai la chance de pouvoir le faire, de pouvoir être dans la nature, de pouvoir laisser mon imagination divaguer et puis me ressourcer et revenir avec les batteries rechargées. Eh bien, on va essayer d'enchaîner avec ça. Ça n'est pas toujours facile. Alors, maintenant, il faut que les auditeurs comprennent, puisque cette émission, moi, je souhaite qu'elle soit aussi pratico-pratique. Hein. Ce ne sont pas que des parcours de vie. C'est aussi pour que les auditeurs se disent à la fois, je pourrais en avoir besoin, j'en ai besoin maintenant. Et puis aussi les auditeurs qui pourraient se dire, mais moi aussi, je pourrais devenir patiente partenaire. Oui. Alors, pour ceux qui pourraient en avoir besoin à l'heure d'aujourd'hui, pour eux ou pour leurs proches, comment on vous trouve, Véronique? Par quel canal? Dans quelle structure? Alors, donc moi, je suis à Montmirail et à Cézanne. Donc, il y a plusieurs points d'entrée. C'est soit via l'association, par téléphone. Voilà, on peut me contacter directement. Les médecins, alors notamment de la CPTS de Cézanne, du pôle santé Montmirailais. Et il y a d'autres médecins, notamment dans notre secteur ici, qui parfois donnent mes coordonnées. Ça peut être un kiné qui va donner mes coordonnées, un pharmacien. Donc, déjà, vous êtes très identifié sur le territoire. Ça commence, je commence à être assez identifié. Après, ça peut être aussi par le lieu de soins. Moi, j'interviens donc 2 jours par semaine à l'Institut Godinot, qui est un centre de lutte contre le cancer. Donc, ça peut être des patients que je vais rencontrer là-bas, qui habitent en milieu rural et que je vais continuer à accompagner ici. Vous avez une sorte de permanence à Godinot ou non les... J'y suis 2 jours par semaine. Ah, en oui, fait, oui, pardon, oui, je travaille êtes, là-bas. Vous ouais. êtes vraiment sur place. Oui, oui, sur place. Et ensuite, eh ben, il va y avoir tous les événements que je vais pouvoir organiser avec l'association ou participer, notamment lors de manifestations Octobre Rose ou autre. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que on n'a pas besoin du ticket du médecin pour venir non. vous voir. Hein. Non, non, pas il du tout. Il peut y avoir une démarche totalement personnelle. Oui. Et cette démarche peut être à la fois du patient, de ses proches, oui. de ses aidants, évidemment, les accompagnants, on va beaucoup en parler, et de son environnement de travail. Ça peut être aussi une entreprise qui fait appel à vous, ça arrive. Oui, oui, on va vraiment le développer, hein, parce que je pense qu'il faut qu'on prenne bien du temps, et on va le prendre après le prochain morceau. On va essayer de comprendre ce que vous faites pour chacun, si je puis dire, des 3 groupes. Oui. Hein. Donc voilà, c'est important. Association VBC à Montmirail. Oui. Et vous pouvez avoir une initiative personnelle vers Véronique Batteux. Oui, et ça ne me dérange pas parce qu'il y a des patients qui n'ont pas besoin d'une ordonnance. Non, hein, non, non, non. Et malgré tout, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours gratuit ou vous avez les prestations payantes? Non, jamais. C'est sans jamais. Frais pour les patients. J'y tenais beaucoup pour qu'il n'y ait pas de décalage et que chacun puisse avoir accès à ça, que ce soit les patients ou les aidants. D'accord. Donc, il n'y a pas de légitimité non plus. Il y a certains patients, en fait, qui n'osent pas venir vers moi en disant, mais quand même... Coûter, etc. Ou même de dire, je ne vais pas la solliciter parce qu'il y a des gens qui ont plus besoin que moi. Non, en fait, il n'y a pas de légitimité suivant le parcours. Très bien, ok. Du coup, vous êtes financé comment ? Par l'État ? Par des subventions ? Alors, ben, je demande des subventions, alors, notamment à l'ARS, à la CPAM, mm-hmm. Les mairies de Montmirail et Cézanne aussi qui m'aident dans cette démarche. Donc voilà, à chaque fois, il faut renouveler ces demandes de subventions. Ça n'est jamais acquis. Pour... Non. On sait très bien comment ça marche. En attendant, c'est très important. Deux éléments là sur, cette, sur ce petit point. On peut aller vers Véronique sans avis du médecin, j'ai envie de dire, mais oui. Surtout sans ordonnance. Il peut y avoir une démarche personnelle. Elle peut être du patient, de la famille, d'un aidant ou du monde du travail. Et tout ça, c'est gratuit. Oui. Eh bien, nous allons enchaîner avec quelque chose qui vous fait danser. Car vous avez parlé de marche, mais vous m'avez confié aimer beaucoup danser. Oui. Depuis longtemps. Oui, j'adore ça. On parle de Funky Town ? Oui. Parce que dans le studio, les auditeurs ne le savent peut-être pas, hein, mais il faut quand même regarder sur Facebook. Il y a plein de photos. Dans le studio, on a une magnifique déco avec des vinyles accrochés. Et donc, il y en a un qui vous a tout de suite accroché en arrivant ce matin. Oui. Vous m'avez dit, mais j'adore Funky Town. Oui, c'était la première chanson sur laquelle j'ai dansé quand j'étais à l'école et qui m'a donné ce goût de danser, de pouvoir monter sur scène. C'est hyper grisant et depuis quelques années maintenant, je fais de la danse de salon à Montmirail et tous les ans, donc on a un gala en fin d'année et j'adore. Bien sûr. C'est génial. Quand on aime la danse, ça nous accompagne toute la vie. Oui. Hein. Et bien du coup, vous en faites tout à Montmirail. Allez, on fait une petite publicité pour une autre asso. Alors, c'est une asso ou c'est quelque chose c'est une asso. C'est une asso, alors on peut y aller. C'est l'ELC à Montmirail. Et donc, c'est l'espace loisirs et culture. Et donc, nous avons deux professeurs de danse qui émérites. Et ce qui est super sympa, c'est qu'on fait de la danse de salon. Ça n'est pas réservé aux seniors, la danse de salon. Et on peut danser sur des morceaux qui sont très, très actuels. Ah, mais c'est impeccable, ça. Il faut le dire et le redire. Oui. La danse, de toute façon, ça évolue très, très bien. Ça se plaque sur toutes sortes de musiques. Exactement. Et il faut un renouvellement. Et c'est une excellente activité physique. Et j'ai envie de dire cérébral également, parce que ça doit libérer des choses. Moi, je suis nulle dans tous ces trucs-là, mais je sens très bien, moi-même, je danse un peu. Quand on danse, ça nous fait du bien. Ça donne le sourire. Ça donne le sourire et ça fait du bien au corps et à l'esprit, c'est important. Alors, ce morceau, ça s'appelle « I Follow Rivers ». Oui. Ouh, très bon accent, Alex, calme-toi. Donc, « Je suis les rivières ». Oui. Ça doit être ça que ça veut dire. Et qui est-ce qui nous fait ce petit morceau qui vous fait tant danser ? Eh bien, en fait, ce morceau qui me fait tant danser, c'est quelque chose... si je suis chez moi et que, par exemple, j'entreprends de faire le ménage... Ça aide. Eh bien, en fait, je vais surtout lâcher l'aspirateur et je vais me mettre à danser. Donc, j'avance pas vite. Hein, c'est pas grave. Bon, si au final, c'est fait, c'est pas mal. Et puis, si c'est fait un autre jour, ça marche aussi. Oui. Mais en tout cas, moi, je ne connais pas cet interprète. C'est quoi ? C'est Like Lee, on dit comme ça ? Like Lee. Enfin, moi, j'ai découvert ça à la radio et bon, voilà. Ça... Eh ben voilà, mais on est là pour ça. Antenne 87, c'est aussi la radio et surtout la radio, d'ailleurs, des titres un peu oubliés, des phases B, etc. Oui. Des choses qu'on n'entend plus sur les autres radios. Eh bien, vous êtes sur Antenne 87 et on vous offre ça. Écoutez bien. on reprend. On aimerait continuer jusqu'au bout. Quel dilemme. Parce qu'on n'a pas envie de s'arrêter de danser, mais il faut aussi parler. Il faut quand même qu'on soit un peu complet dans cette émission. Et le moment est venu, Véronique, de nous expliquer ce que vous pouvez faire pour les patients, pour les proches, les aidants et pour le monde du travail. On commence par les patients ? Oui. Pour les patients, c'est de pouvoir les accueillir et les rassurer sur ce parcours. Non pas faire croire à des choses qui n'existent pas, mais vraiment les rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a les équipes soignantes, que moi je suis là aussi. Alors je suis pas psychologue, hein, attention, mais le vécu fait que je vais pouvoir prendre le temps d'écouter leurs questions, prendre le temps d'entendre leur désarroi, parfois leur colère aussi, et aussi de pouvoir les orienter. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on est un peu assommé, on ne sait pas quel dispositif il peut y avoir dans notre région ou à côté de chez soi. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment cette possibilité de faire le lien, d'orienter suivant les besoins, qui peuvent être parfois financiers pour certaines familles, et de faciliter aussi ce parcours. Voilà. Prenez par la main. Voilà, enfin... Je propose les ressources. Je vais pas faire vous à la place, la place de. Hein, non, d'accord. Surtout pas. Mm-hmm. Mais de vraiment de d'être là et de pouvoir être sollicité au moment où ils en ont le plus besoin. Mais qu'on comprenne bien dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire que effectivement vous allez, vous êtes un peu comme une lumière dans le tunnel, c'est-à-dire vous dites voilà par où tu vas passer, voilà ce que tu vas devoir surmonter, à la fois en épreuve médicale, émotionnelle et aussi administrative. Donc ça c'est, hein, on peut le voir un peu comme ça. Oui, ça, hein, peut c'est-à-dire, être, ça peut être ça. Voilà, vous mettez de la lumière dans ce tunnel effarant, mais en même temps on sent aussi que vous êtes un peu une éponge émotionnelle pour eux. Oui, ça peut être, ça peut être ça aussi. C'est souvent soutien, le cas, un c'est soutien. Un soutien. C'est de se dire que quand je m'effondre parce que ce parcours me fait peur, parce que il y a des choses que je n'ose pas ou je ne peux pas dire à ma famille pour les protéger, ici ils ont un espace libre, sans tabou, sans filtre, sans jugement. Donc on peut se lâcher. Donc à la fois ils se lâchent. Et ils vont aussi puiser en vous, au-delà des ressources, des idées aussi. Oui. Trouver les bons mots pour parler. Oui. Choisir le bon moment pour parler, des choses comme ça. Des idées et une réassurance aussi. Mmh. Et de surtout les conforter dans le fait que chacun vit cette expérience à sa façon, suivant son éducation, ses valeurs, son expérience, qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, et que à partir du moment où il y a de la sincérité, voilà, tout est ok, et c'est vraiment de les réassurer dans cette démarche et donner de la force aussi, parce que j'imagine que ça vous est déjà arrivé d'avoir des gens qui n'avaient pas envie de ce combat-là. Oui. Oui. On trouve aussi les mots pour ça. Oui. Vous avez déjà réussi à vraiment relever quelqu'un qui n'avait pas envie de se battre ? En tout cas, de redonner cette once d'espoir. Et encore une fois, ça n'est pas à moi de juger s'il doit ou pas continuer. C'est de surtout lui permettre, quel que soit le choix de la personne, dans l'observance des traitements ou pas, c'est se dire, le choix que je vais faire, je le fais en conscience, je connais les conséquences, je connais les risques et je les assume. Mmh. C'est ça qui est important. C'est pas à moi de dire, oui, mais il faut bon absolument... Il y a son choix. Il y a son choix. Et il peut puiser ou elle peut puiser auprès de vous. Mais il faut vraiment que ce choix soit conscient et assumé. Oui. Et ça, c'est pas simple. Et ça, c'est aussi très important dans votre démarche, hein, pour les auditeurs, c'est comprendre cette notion de respect. Vous l'avez beaucoup dit, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de filtre, on peut tout déposer. Oui. Parce qu'on sait aussi, et là, je vais faire le lien avec les proches, avec les aidants, hein, qui sont aussi totalement dépourvus dans ces situations-là, qui veulent bien faire, qui ont peur aussi, qui quelquefois refusent peut-être aussi la maladie, hein, refusent d'en parler, tellement ça les bouscule. Oui. Est-ce qu'on peut glisser aussi vers l'aide que vous apportez aux proches et aux aidants ? Oui, alors je dirais que sur le fond, c'est à peu près la même que pour les patients, avec une dimension là sur l'expression qui va être un peu plus importante, sur l'expression du ressenti, qui n'est pas toujours entendable par tout le monde. Les aidants peuvent être parfois en colère parce que cette situation est arrivée, parce que la personne aidée n'avait pas peut-être fait ses examens en temps et en heure, et que bon, voilà. Donc il faut pouvoir entendre ça, il faut qu'eux aussi puissent s'exprimer. Les aidants sont souvent des personnes qui vont aller chercher encore une fois beaucoup de force et qui vont laisser de côté leur propre émotion en se disant ce n'est pas moi qui est malade, moi je dois être fort. Il faut faire très attention à ça, parce que l'aidant doit être fort. Alors, c'est ce qu'on lui demande, mais l'aidant a aussi le droit à un moment de se dire waouh, moi là je. Oui, quand je dis l'aidant doit être fort, c'est qu'il ne faut pas qu'il se néglige. Non, il faut qu'il pense à lui. Je leur donne souvent l'image de la course à pied. Je leur explique que jamais personne ne va s'engager sur un marathon avant d'avoir couru au moins 5 km ou avoir déjà commencé. Le parcours de soins en cancérologie, c'est un parcours long, difficile, sinueux, avec des embûches. On ne sait jamais ce que sera le lendemain. Donc c'est vraiment... il faut tenir la distance, et pour tenir la distance il faut aussi prendre soin de soi et être préparé, se ressourcer, faire un pas de côté, ça n'est pas grave. Exactement. D'avoir envie un jour d'aller au cinéma. Exactement, et ça n'est pas égoïste non plus. Ça n'est pas égoïste, voilà. C'est important aussi. Oui. C'est ça le gros du travail avec les aidants. Oui. C'est l'acceptation. Est-ce que vous avez systématiquement des séances en tête-à-tête, ou vous recevez aussi des fois des groupes de famille C'est souvent en individuel. Vous préférez l'individuel. Et sachant qu'il y a un énorme respect de la confidentialité, c'est-à-dire que si je reçois l'aidant et ensuite l'aider, les échanges qu'on aura eus les uns et les autres, moi je ne vais pas en parler à l'autre. C'est vraiment, il faut vraiment que cette intimité et ce respect de la confidentialité soient impératifs. Totalement garantis. Oui. Ok, très bien. On va faire une nouvelle pause. Oui. Et ensuite, on abordera ce sujet qui va être beaucoup plus surprenant, je crois, pour tout le monde. C'est le travail avec le milieu du travail. En attendant, on va lancer. Alors, comme le temps est compté, on n'écoutera sans doute pas tout, mais un morceau que vous avez eu à cœur de remettre à l'honneur, elle s'appelle Anita Baker. On ne l'écoute pas assez, selon vous, et ça tombe bien, parce que sur Antenne 87, on aime bien les titres un peu oubliés. Donc, ça s'appelle Sweet Love, et c'est vrai que ce matin, il est vraiment question d'amour et de douceur. Encore une fois, choix difficile, mais il y a trop de choses encore à dire avant la fin de l'émission. Et pour ceux qui se sont dit « oui, c'est sympa », on rappelle, c'est Anita Baker, Sweet Love, qu'on n'entend pas assez, mais heureusement, il y a Antenne 87 pour ça. Alors, maintenant, Véronique, il faut vraiment que vous nous expliquiez ce que vous pouvez faire à la fois pour le patient qui retourne travailler, enfin qui retourne, qui n'est pas au travail justement parce qu'il est malade, ou qui revient travailler, et quelquefois vous intervenez à la demande de l'entreprise elle-même. Oui, tout on à veut fait. Tout savoir. On vous écoute. Accompagner le patient pour sa reprise du travail, ça me semble extrêmement important d'anticiper cette période, encore une fois, puisque toute la confiance en soi, que ce soit par l'image, que ce soit par le fait d'avoir été arrêté longtemps, qui donne le sentiment qu'on ne va plus être capable de faire son travail comme avant. Donc c'est de réassurer à ce niveau-là et d'anticiper. Parce qu'il peut y avoir un reclassement, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc se préparer, c'est gage de réussite de ce retour au travail, et ça c'est vraiment important. On est ici dans notre secteur rural, face à une problématique de recrutement pour les entreprises ou de trouver du travail pour les salariés, donc il n'est pas question de rater ça, c'est pas possible. C'est important. Et puis on a le droit d'avoir envie de rester à son travail malgré la maladie et après la maladie. Oui, en général les gens aiment bien leur métier, donc voilà, c'est encore une fois, il n'est pas question d'avoir de dommages collatéraux à cause de ce parcours. La vie est déjà suffisamment bouleversée tout à fait. Pour qu'il y ait ça en plus à gérer. Et dans les entreprises, c'est d'accompagner les collaborateurs, les managers, les chefs d'entreprise à cette complexité du retour à travail qui va être souvent en temps partiel. La personne ne revient pas 100% comme avant. Ça, c'est un mythe. Donc, il faut tous se réadapter. Et aussi, sur la communication entre les collègues, entre le salarié, de pouvoir chacun comprendre ce qui se passe, chacun comprendre ce que l'autre veut ou ne veut pas. Et vraiment, encore une fois, moi, je vais faire le lien. Et on va tout poser sur la table et on va essayer de faire en sorte que chacun s'ouvre à la problématique de l'autre. Encore une fois, ne pas être braqué par la peur ou la colère, hein, qui sont légitimes aussi, hein, c'est tellement bouleversant pour tout le monde. On parlait aussi du fait que les collègues pouvaient avoir aussi beaucoup de mal à supporter la nouvelle. Par empathie, hein. Oui. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez. Pas avoir peur de se dire, bah oui, c'est difficile pour tout le monde, mais ne jamais oublier que l'objectif, c'est d'accompagner le patient. Parce que c'est quand même lui qui est malade. Et les collègues, on passe quand même beaucoup de temps avec nos collègues. Certains, parfois, sont devenus des amis. Et pour eux aussi, c'est une déflagration pour le manager, pour toute l'équipe en fait. Donc eux aussi ont besoin de pouvoir être entendus. Donc en entreprise, ça va être des accompagnements individuels ou collectifs, encore une fois dans le respect de la confidentialité de chacun. Et ça, vous sentez que sur le territoire, vous êtes bien identifié sur cet aspect-là ? Je pense que ça commence grâce aussi à Axon Cable, à Montmirail, chez qui j'interviens, avec un partenariat aussi avec AG2R La Mondiale qui me fait intervenir auprès de ses entreprises clientes. Groupama, citer d'entreprises, donc du coup pas mal d'entreprises du territoire qui ont pris le pli de recourir à vos services, parce que donc on l'a bien dit, c'est à la fois gérer la nouvelle de la maladie, gérer la compréhension de l'absence, gérer les difficultés du retour, et tout ça évidemment en pleine conscience et avec le plus d'empathie possible, et en gérant les émotions des uns des autres qui peuvent être multiples. Oui. Est-ce qu'on a un peu tout dit ou on a oublié quelque chose avant de passer à un autre sujet? Non, je pense. Beaucoup plus festif. Alors, oui, festif, j'ose le dire. Hein, on va enchaîner avec une interprète que vous aimez particulièrement, que vous pouvez écouter à l'envi, c'est Shadé. Oui. Donc là encore, hein, chers auditeurs, je suis désolée, on va lancer pour que vous puissiez profiter de ce choix musical, mais on va parler très très vite parce que Véronique Batteux a encore beaucoup de choses à dire sur Antenne 87. Diamond line, love of gold. Eh bien, on reprend. Excusez-nous, hein, mais on a quand même une énorme information à donner. C'est que Véronique fait feu de tout bois. C'est-à-dire que non seulement elle est du côté des patients dans des situations vraiment de tête-à-tête, mmh. mais vous avez 1000 idées à la minute pour développer votre activité, pour la faire connaître, pour casser les codes, etc. Et là, je vous laisse parler. Mais attention, hein, le temps file. Vous avez moins de 2 minutes. D'accord. Passer par le théâtre, c'était pour moi une évidence, puisque le sujet important, comme je vous l'ai dit, dans tout, c'est la communication. Donc, écrire une pièce de théâtre qui pouvait aborder de manière drôle, voilà, tout ce parcours de santé, ça a été quelque chose de vraiment impactant et très enrichissant pour moi. On a, avec une oncologue médicale, Christelle Joanneau, on a créé un projet à l'Institut Godinot, qui s'appelle Rose Tango. On monte sur scène, patiente et comédienne pro. Je vous donne rendez-vous donc le samedi 7 mars à 15h à la Maison du Chemin Vert à Reims pendant le Pop Movement Festival. Venez, vous allez rire, vous allez voir, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'émotions aussi. C'est une reconnaissance aussi, hein, de faire quelque chose oui. avec une oncologue. Hein. Exactement. Ça veut dire quand même que vous êtes... Oh, on m'annonce qu'on a un petit peu plus de temps. Ah, on se détend. Génial. On se détend. Allez, c'est parti. Ok. Merci, patron, qui vient de me donner quelques minutes supplémentaires. Ok. Donc, oui, c'est un projet qui est fantastique, qui est humainement incroyable. Oui. Vraiment, ça a été pour ces patientes et pour ces comédiennes professionnelles un partage qui ne s'explique pas. Enfin, on a vécu quelque chose de magnifique, de mettre des mots sur les mots, de pouvoir les partager avec un public. Donc voilà, on a la chance de pouvoir rejouer là au mois de mars. Parallèlement à ça, j'initie, c'est une exclue pour Antenne 87. Mais on adore ça, voilà. On veut de l'exclu sur les plaines de Champagne. Allez, j'organise une soirée festive et prévention le 11 avril à Cézanne, à partir de 18h30. Bientôt, hein. Avril, c'est pas demain. Voilà. L'idée, c'est vraiment de réunir autour encore une fois de quelque chose de léger. Il y aura un groupe de rock, il y aura des animations, des jeux, un défilé de lingerie spécifique aussi. Et comment faites-vous pour avoir autant d'idées ? Ça me remplit d'énergie de pouvoir partager. J'adore partager, j'adore communiquer, voir les gens, mais aussi m'amuser et vraiment faire passer des messages. Les messages qui sont assez dans l'injonction, pour moi, ça marche pas. Mais faire de la prévention de manière ludique, je pense que c'est porteur. Voilà, ou par le théâtre, c'est des messages qui vont être beaucoup plus entendus et beaucoup plus impactants à mon sens. En tout cas, je préfère faire ça que d'avoir attention, est-ce que vous avez bien fait votre mammographie, flyers, bon, ouais, voilà. Ça marche pas. Bien sûr, c'est un autre vecteur. Ouais. Donc, on va bien se redire, comme on a du temps, on va en profiter. Alors, premier rendez-vous, chronologiquement, c'est... Alors, le 7 mars à 15h à la Maison du Chemin Vert pour assister à la pièce de théâtre donc Rose Tango. À Reims, oui. Et la pièce s'appelle Rose Tango. Rose Tango. Tango, très bien. Ensuite, nous avons le rendez-vous au mois d'avril. Voilà, une soirée festive avec un peu de prévention aussi. L'entrée est gratuite. Il faudra quand même s'inscrire via Hello Asso. Donc, je publierai bientôt donc les infos. Et l'idée, c'est d'avoir encore une soirée avec beaucoup de partage, d'échanges de musique, de danse. L'idée, c'est de se rencontrer et de pouvoir permettre aussi aux patients, encore une fois, et aux aidants, de pouvoir se divertir. Mais j'imagine qu'au fil de vos rencontres, hein, que ce soit patients, aidants, etc., vous avez emmené des gens avec vous dans l'association. Oui. Ils deviennent aussi Oui, j'ai beaucoup de chance. Oui, hein, beaucoup de chance. Que... D'avoir des personnes qui s'impliquent, qui me soutiennent aussi beaucoup. Bien sûr. C'est vraiment important. Et comme je l'ai redit au tout début, c'est assez inédit en milieu rural. Oui, on oui. trouve très peu cette expérience oui. En milieu rural. Et donc, il faut vraiment encourager ce que vous avez mis en place. On n'a pas dit depuis quand c'était mis en place tout ça. Alors, c'est depuis octobre 2022. Oui, donc c'est récent, mais on sent que ça vit quand même beaucoup. Oui, oui, oui. Vous m'avez dit que vous aviez quand même un très, très grand nombre de rendez-vous par an. Vous avez encore de la place, malheureusement. Il y a toujours de la place. Malheureusement et heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas, Véronique est là pour vous. N'oubliez pas, on a parlé des patients, on a parlé de leur famille, on a parlé des accompagnants et on a parlé de leurs collègues. Vous m'avez aussi parlé d'un autre rendez-vous très original, qui serait plutôt un festival, non pas un festival, un salon du livre. Salon. Voilà, j'organise un salon du livre. J'ai eu pas mal de difficultés parce que je voulais absolument le faire à Reims pour plus de visibilité pour les soignants et le public. Bon, ça, je n'ai pas trouvé écoute. Eh ben, il n'y a pas que les grandes villes dans l'air. Mais voilà. Voilà, et puis je me suis dit... Moi, mon truc, c'est le milieu rural. Donc, ben, je vais rester chez moi, chez nous. Donc, entre Montmirail et Cézanne. Donc, je pense que ça sera plutôt printemps 2027. L'idée, c'est de réunir des auteurs autobiographiques ou pas, de BD, de livres pour enfants autour de l'oncologie, parce qu'il y a énormément de ressources littéraires, on n'en a pas connaissance, donc moi j'essaye évidemment de diffuser, mais réunir toutes ces personnes-là autour de tables rondes, de soirées dédicaces, d'échanges où les gens vont pouvoir venir partager, écouter, rencontrer, et encore une fois, autour d'un support culturel et artistique. Bien sûr. Donc c'est une autre manière de parler, une autre manière d'aborder les choses, mais de s'informer, encore une fois de rire parce qu'il y a des choses super rigolotes. Enfin voilà, il y a des gens qui ont énormément d'énergie et je trouve que partager ça, c'est vraiment important. Que de projets. Voilà. Vous n'avez pas fini de nous surprendre. Bah écoutez, j'espère. En tout cas, pour ce salon du livre, toutes les idées sont les bienvenues. Je vais évidemment avoir besoin, aussi, voilà, de bonne volonté, de mécénat. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si. Donc on redit bien pour que les gens aient bien entendu. Véronique Batteux, votre association, c'est VBC, une patiente partenaire à vos côtés. Et c'est à Montmirail. À Montmirail. Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux? Oui, oui, oui, oui. Vous êtes plutôt sur Facebook? Sur Facebook, sur LinkedIn aussi. Donc les gens voilà. Qui sont intéressés, qui se posent des questions, n'hésitent pas à vous contacter sur les réseaux. Oui. Hein. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Je crois que les gens ont bien compris votre démarche et à quel point vous pouviez aider fondamentalement dans ces périodes douloureuses. Moi, je vous remercie immensément, Véronique. C'est moi qui vous remercie, d'être Alex. D'être venue ce matin. Encore une fois, un parcours remarquable, beaucoup d'émotions, beaucoup d'informations. Voilà, je pense que ce matin, on a ouvert des petites fenêtres chez nos auditeurs, que ce soit des gens proches de malades ou malades eux-mêmes. N'hésitez pas. Véronique Batteux est là pour vous prendre par la main. Oui. Merci aussi pour cette belle playlist qui vous ressemble. Merci. Elle était généreuse et lumineuse. Ça a été un plaisir. Et évidemment, je vous laisse le mot de la fin pour cette dédicace pleine d'amour. Alors, cette chanson, c'est une dédicace à mes enfants, puisque c'est la BO d'un film qu'on adore et qu'on a partagé. C'est aussi devenu une entrée d'un mariage d'amis très chers pour lequel j'étais maîtresse de cérémonie. C'était une première pour moi. Ah, vous faites ça aussi, oui. Maîtresse de cérémonie, ça ne m'étonne pas. Moi, je me demande si cette dame ne va pas finir au micro d'Antenne 87. Retenez donc, bien sa voix. Donc voilà, cette chanson, encore une fois, c'est de l'amour, c'est love. Donc oui, c'est voilà, tout est dit. L-O-V-E, et c'est chanté par le très très grand Nat King Cole. Merci Véronique. Merci Alex. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break.